piano tel clic. Elle vient de mettre sa photo sur Mythique. Longtemps personne n'a consulté sa page. En 10 minutes, 15 messages. Gloopy 14 est vraiment sympa. Fonzo la gonfle un peu avec Zappa. Beau gosse 25 ne manque pas d'audace. Il lézarde sa carapace. Chloé veut seulement s'amuser. Chloé ne veut pas se caser. Elle a besoin de légèreté. Quelques câlins sans culpabilité. Dans la vraie vie, il s'appelle Nordine. Il lui a filé un peu de cocaïne. Elle ne lui présentera pas sa mère. Son look est trop spectaculaire. Oli, c'est bien, mais il a de la peine. Entre lui et la mère de ses gamins, y a de la haine. Elle l'empêche de voir ses enfants. Il la bombarde avec ses emmerdements. Chloé veut seulement s'amuser. Chloé ne veut pas se caser. Elle a besoin de légèreté. Quelques câlins sans culpabilité. Chloé hésite à le revoir. Elle craint de lui filer ses idées noires. 50 messages sur Internet. Elle veut bien aller chez lui à 7. Nordine travaille à l'hôpital. Ça lui massacre le moral. 20 textos sur le portable de Chloé. Il menace de se suicider. Chloé veut seulement s'amuser. Chloé ne veut pas se caser. Elle a besoin de légèreté. Quelques câlins sans culpabilité. Nordine ne décroche pas, elle est super inquiète. Alors elle téléphone au commissariat de 7. Elle saute dans sa voiture, se voit déjà au cimetière. L'inspecteur dit, il est où votre suicidaire? Les flics ont trouvé des stupes dans l'appartement. Le bel amant est débusqué chez ses parents. Chloé le retrouve à l'hôtel de police, en chuchotant, il lui promet les pires supplices. Chloé veut seulement s'amuser.